tout à l'heure, un grand tremblement de terre. Le soleil n'est pas noir, et une entière de l'incandescent. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Toutes les montagnes et toutes les îles furent arrachées de leur place.